I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Certes pas des électeurs de Trump dans la salle, mais des amateurs de subversion. Oui, pour un 58e rendez-vous en ce 11 novembre 2016, je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Et question de faire avaler la pilule à certains qui en sont encore traumatisés de l'élection de cette trompette orange. On va s'attarder sur autre chose. Puisqu'on va séparer l'émission en deux, on aura deux spéciaux. Un consacré à cet événement qui aura lieu le 14 novembre prochain, cette super lune, alors thématique lunaire pour honorer cet astre qui sera le plus grand qu'on aura vu depuis 1948. Et non seulement la lune sera 14% plus grande, mais 30% plus lumineuse. Alors pour souligner l'événement, les deux premiers blocs musicaux seront consacrés à des formations qui ont rendu honneur, qui ont fait honneur d'une façon ou d'une autre à cet astre. Et puis par la suite, hommage spécial sur cette formation emblématique du Québec, BARF, qui célébrait ses 30 ans d'existence le 29 octobre dernier au Club Soda. On a eu la chance d'y rattraper le 4 novembre au soir à Saint-Eustache dans un bar... le billard, le patriote, et où ce qu'on a recueilli, de tous les membres du groupe, des témoignages et leurs impressions justement de cette fameuse soirée du 29 octobre. Et également Vincent Pic, qui nous revient pour partager aussi ses impressions à lui de cette soirée du 29 octobre, puisqu'il était présent aussi à titre de DJ, et... ses observations des premières heures de ce groupe BARF. Et comme si ce n'était pas assez, on en a profité pour jaser avec Joël Lamontagne de Démence, qui se produisait également sur les planches du bar Le Patriote juste avant BARF, cette soirée du 4 novembre. Eux qui ont fait plusieurs dates à travers le Québec pour justement souligner les 20 ans de l'album Total Démembrement. Alors, tout ce beau monde-là durant l'émission. Donc, vers la fin de l'émission, Marc Vaillancourt, on aura Vincent Pic, Denis Lepage, Dominique Forest-Lapointe, Carlo Saraya et Joël Lamontagne. Tout ce beau monde-là au cours de l'émission. Ne manquez pas tous ces beaux témoignages. Alors, nous y allons en musique immédiatement avec trois formations qui ont honoré cet astre lunaire. Nocturnal Mortum de l'Ukraine, Carnivore, c'est le groupe, l'ancien groupe de Peter Steele de la scène new-yorkaise. Mais en premier lieu, les Allemands de Atrocity, qui est arrivé avec un troisième album en 1994 du nom de BLUT, Blut, avec cette pièce Moonstruck. Hein. Question de savoir ce qu'il dit dans cette chanson. J'ai envoyé ça dans le traducteur Google, un peu comme on avait fait avec ce Metal for Breakfast avec le bourreau métallique Simon Gérard et notre ami Mighty MG. Alors, je vous en lis un paragraphe. Scène de nuit, jeu nocturne, obsédé par la lune, avec mon cœur battant solitaire, étape par étape, si près de vous. Pounding, battant au milieu de la clairière, je lève les bras vers le ciel, je suis habillé pour la splendeur en gris argenté. Alors voici cette pièce de Atrocity, Moonstruck, la subversion sur le Québec Radio. We'll be right back.

oui. Vous êtes assez fou. Réponds-moi. La formation Nocturnal Mortum, formation ukrainienne qui avait fait paraître ce démo en 1996 du nom de Lunar Poetry, poésie lunaire, et avec cette pièce Sorrows of the Moon qui est une reprise d'un interlude de Celtic Frost. Certains d'entre vous ont dû reconnaître cette espèce d'intermède qu'on entendait sur l'album Into the Pandemonium, qui se voulait une espèce d'hommage à la poésie de Baudelaire. Puis, ils en avaient fait leur propre affaire. J'avais trouvé ça quand même pas mal cool, malgré la qualité du recording qui, évidemment, était au stade du démo à ce moment-là pour eux. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans cette chanson, en passant? Si on met ça dans le traducteur Google, Ce soir, la lune rêve plus paresseusement, comme une femme juste, perdue dans les coussins profondes, avec de douces caresses de mains à la mode, le contour de ses seins avant qu'elle ne dorme. Charles Baudelaire, né en 1821. Mais c'est pas tout à fait les mots exacts, on s'entend, c'est vraiment la traduction Google, c'est toujours sympathique. En passant, le démo a été réédité par Deanne Records en CD quelques années plus tard, soit en 2001. Formation ukrainienne, été fondée en 1994, Nocturnal Mortum. Avant ça, on avait eu Carnivore, l'ancien groupe de Peter Steele, qui avait été fondé en 1985. C'était de leur premier album, album éponyme, cette pièce qu'on a entendue, Legion of Doom, principalement dans cette ligne, By the Light of the Moon, Beware the Legion of Doom. Qu'est-ce que ça donne en bon français? Je ne crains rien avec mes frères de mon côté, baise avec nous et c'est suicide. Vivez votre vie par votre volonté d'apprendre à être un animal. Par la lumière de la lune, prenez garde à la légion de la fatalité. Oh, que c'est bien dit. Oui, évidemment, Peter Steele, qui s'appelait Lord Petrus Steele à ce moment-là, en tout cas sur l'album. Peter Steele nous a quitté en 2010. En fait, il y a juste un survivant de ce trio-là, Louis Bito, le batteur, puisque Keith Alexander, le guitariste, est décédé également en 2005. Donc, ouais. Alors, hommage à la lune. C'était précédé de Atrocity avec Moonstruck de 1994 de l'album BLUT qui était leur troisième. Atrocity qui seront en ville ce dimanche, mais pas sous le nom d'Atrocity, mais sous le nom de Leaves Eyes, puisque c'est le groupe Atrocity au complet, pratiquement, qui suit, y compris Alexander Krall, qui suit la chanteuse Liv Christine en tournée. Alors moi, je les avais vus au Fouf en 2005, en octobre 2005, je me rappelle. C'était les deux groupes ensemble, justement, Atrocity et Leaves Eyes. Bref, ben oui, c'est ça. Alors, ils seront au Club Soda ce dimanche 13 novembre. Qu'est-ce qu'il disait Atrocity? Ah, oh, je l'ai déjà dit. C'est bon. OK. Il est... quelle heure qui joue? J'en ai aucune idée. Vous êtes à l'écoute de Subversion sur Underground Québec Radio. Et on poursuit tout de suite avec deux autres pièces de cette thématique lunaire en hommage à cet astre qui sera plus grand que jamais le 14 novembre, lundi soir prochain. Alors, surveillez bien ça. Ça va être la plus grosse depuis 1948. Alors, on va entendre ce groupe de la Louisiane, Crowbar, avec la pièce Moon, mais ce sera précédé de Voivod, avec une pièce de l'album Outer Limits, Moonbeam Rider, à Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. Radio sur Underground Québec Radio. Parce que votre journal, c'est de la merde. Mais je trouve le Journal de Montréal, c'est quelle merde. Quelle merde. C'est une merde à lire. C'est runné par des merdes. C'est toute de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est toute de la merde. Le Journal de Montréal est un torchon matinal québécois. Puis... Mind Crushers, gang de tabarnak. Quelle gang de ces charognards de tabac. Ils me mettent en crise. C'était Crowbar avec cette excellente pièce de leur album de 2005, Life's Blood of the Downtrodden. Moon, extrait, oui, de cet album qu'ils avaient fait paraître sur Candlelight. Et qu'est-ce qu'il disait dans cette chanson? Je ne crains... Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est Carnivore, ça. J'espère que vous pouvez voir toute ma douleur. Mes larmes brûlent mes yeux. Je prie pour que tu ressentes tout mon amour. Enfin, vous êtes libre. Ouais. Et à noter que sur cet album, Rex Brown, cet ex-Pantera, jouait de la basse. Et aussi est crédité pour la guitare acoustique qui apparaît sur l'album. De même que les claviers. Alors, c'était un huitième album à ce moment-là pour Crowbar. Avant ça, on avait eu évidemment Voivod avec Moonbeam Rider de leur album Outer Limits de 1993. Et qu'est-ce que Snake disait dans cette chanson pour le fun? Pour le fun de faire traduire ça sur Google. Et toutes les choses que vous regrettez. Non, c'est pas vrai. Et toutes les choses que vous regretterez. Et toutes les choses que vous ne pouvez pas oublier. Il n'y a aucune raison d'avoir honte pour vos nombreux gains mal acquis. Et le Moonbeam brille sur le chrome. Et voilà. Sage parole de Snake. Et ouais. oui, c'était un septième album pour Voivod à ce moment-là. C'était paru en août 1993. C'était le dernier album avec Snake, justement, à la voix, Denis Bélanger, avant qu'il revienne vers 2003. La pré-production s'était passée à Montréal, à la Cité de l'Image, et ça avait été enregistré à Hollywood, au Music Grinder Studio, cet album-là. Bon, et ça complète notre thématique lunaire pour aujourd'hui. En l'honneur de cet astre qui sera plus grand que jamais le 14 novembre, lundi soir. Alors, surveillez ça en écoutant de la bonne musique ténébreuse, voire même subversive. Il est n'importe quelle heure de la journée ou de la soirée pour vous, ceux qui nous écoutent en différé sur SoundCloud, ou peu importe la plateforme, peu importe quelle plateforme à travers la galaxie, et peut-être, qui sait, ailleurs dans une autre constellation. Ouais. Ben, ouais, voici le temps venu de vous présenter cette entrevue avec Joël Lamontagne du groupe Démence, qui fêtaient et qui fêtent encore, apparemment, avec quelques dates ici et là au Québec. Ils sont allés même en Abitibi, à Rouyn-Noranda, entre autres. Et on les a rattrapés, nous, à Saint-Eustache, le 4 novembre au soir. Et ils fêtent encore cet album Total Démembrement. Vous les avez peut-être entendus aussi en entrevue à CISM dernièrement avec Christine Fortier. Bref, voici cette entrevue que j'ai réalisée avec Joël Lamontagne, frontman de Démence. Bon, nous sommes sur le terrain au bord de la Patriote à Saint-Eustache hein, pour Saint-Eux. Cet événement. Oui, Saint-Eustache. Démence et Barf. C'est avec moi Joël Lamontagne. Salut, ça va? Oui, salut, salut Star Wars. Ça fait plaisir de te voir ici depuis le temps. Alors, c'est ça, vous êtes une lancée pour le 20e anniversaire de Total Démembrement. Bon, il y a une lancée qui est assez à la fin, je dirais, parce que on avait quoi, 15 shows prévus, puis là, il en reste 3, là. Donc, ça achève. Je risque de m'ennuyer après, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Là. C'est pas rien de prévu pour l'avenir, vraiment. On fait la tournée, puis mais qu'on ait fini, ben, je sais pas. Je vais... En fond, la reformation, ça s'est fait un peu de façon spontanée. Qu'est-ce qui a été là, vraiment le catalyseur de dire, ben, je vais remonter sur scène avec Démence, là, à part du fait que l'album célébrait ses 20 ans? Sylvain Borette, le guitariste, surtout. Et le monde comme toi ou d'autres fans du temps qui me disaient, ah, ce serait cool, revenez. Tu sais, tout le monde me demandait, t'es-tu encore capable? Puis je me disais sûrement que je suis encore capable. Fait qu'on va l'essayer. Quand Sylvain il a dit on fait le Rockfest, il a demandé à Matt Paré, tu veux-tu, t'es-tu capable de nous organiser au Rockfest? Là, Matt Paré check son bras, il dit ouais, sûrement. Il va voir, puis il dit oui, c'est beau. Là, nous autres, on essaye. On va au local, puis on pratique pour réessayé 10 ans plus tard. Puis moi, j'étais pas capable de jouer la guitare. C'est vraiment, vraiment pas là. Surtout le picking. C'est pas tant les notes. Les notes, ça allait. J'étais pas dur, de toute façon. Ça allait. Mais c'est le picking quand ça fait, mettons... Là, moi, j'en sautais. J'étais pas capable. C'était pas tête. Puis c'était de ma faute si c'était pas tête. Puis je le savais. Donc, j'ai dit, man, on peut pas le faire. J'ai dit ça à Matt Paris. J'ai dit, oh, man, on peut pas le faire parce que je suis pas capable. Il dit, mais je vais la faire, moi, ta guitare. Puis tu fais rien que chanter. T'as encore la voix? Tu es capable de faire la voix? Je dis, ben oui, je suis capable. Je vais faire la guitare. Je dis, mais il y a un autre problème, c'est que mon drummer, Patrice Martin, drummer original, il est tanné, puis il veut pas partir. Enfin, 15 shows, là, ça ne tente pas, là, parce que c'est toutes des grosses journées, puis tu pars deux jours, puis là, lui, il y a des enfants, puis il y a une famille, puis bon, ça ne tentait plus. Encore là, Matt Paris, il dit, ouais, mais moi, j'ai un drummer qui a un local, donc on pourrait pratiquer dans mon local avec mon drummer, il est bon, puis il connaît des manses depuis qu'il a 12 ans, là, fait qu'il est mindé, là, il connaît ça, tu sais. On va l'essayer. Je dis, OK, on l'essaye. Puis là, ça a bien été, sauf que je me sentais cave d'être en avant de tout le monde, pas de guitare, parce que j'ai toujours une guitare. Fait, je savais pas quoi faire avec mes mains. Là, j'avais l'air comme du gars qui se demande quoi faire, puis perdu un peu, tu sais, comme je suis. Là, je dis ça au local, dans une pratique. Je me sens un peu mal d'arriver, puis là, je suis au local de... mon drummer JP et le guitariste Matt. Donc, je suis au local de Bukaki. Donc, Philippe Langelier, il est là. Lui, il dit, « Hey, Joël, je vais t'arranger ça. Je vais te construire un genre de costume, si on veut. » Là, j'ai dit, « OK, ben, ouais, c'est cool. » C'est bon, là, on y pense, on fait un brainstorm là-dessus. Puis, OK, tout en blanc... immaculé de sang, tout le monde, là, on va être super hot, ça marche avec le concept du band. Mm-hmm. Puis là, moi, je vais me sentir... Parce que tout est une question de feeling. Bon, ben, je l'avais pas au début, là, le feeling, mais là, avec le souffle, là, là, je l'ai. Là, je suis dans le feeling. Puis c'est rien que la voix, j'ai plus à main... tu sais, mais... Ça remplace la guitare, finalement, pour moi. Ah oui. Moi, ma guitare, ça me servait de bouclier avec la foule, si on veut. C'est un complément de ta personne aussi, là, la guitare, à ce moment-là. Bien, à ce moment-là, mais j'ai fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, puis non, j'étais moins bon, là, ça paraissait. Fait que là, la réponse, jusqu'à date, comme les shows que vous avez faites dernièrement au Fouf, puis tout ça, à Rouen, vous êtes allé à Rouen aussi, je pense? Oui. Ouais. Oui, c'était quoi la réponse? Ah, ben, c'était correct, là. Il n'y a pas. Il n'y avait pas des full records, là, de milliers de personnes, là, mais une bonne centaine de personnes, là, comme. Et. Ben, comme dans la plupart des villes qu'on a faites, là. Ça tourne, là. Entre 60 et 160. Mm. Hein, tu vois, gars, on... Je suis franc avec toi, là. Je n'ai pas ici pour te faire croire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Sauf que là, l'heure qui est là, faut que je vais mettre justement ce que je te raconte. Ouais, viens voir ça. Viens voir ça. OK. All right. OK. Je te remercie, Joël, pour ces commentaires. Merci. Puis, bon show. Merci. Yeah, I'm ready. Démence avec Anthropophage, pièce tirée de leur album qui a maintenant 20 ans. Total Démembrement, album sorti en mai 1996 sur Neoblast. Neoblast, compagnie fondée par Steven Henry et qui avait été fondée justement pour supporter le band, son band Nuraxis à ce moment-là, comme on sait. La formation Démence comprenait, au moment d'enregistrer cet album, Éric Charbonneau à la basse, Patrice Martin aux drums, Sylvain Barrès, vocal et guitare, ainsi que Joël Lamontagne, lui-même vocaliste et guitariste. Maintenant, vocaliste frontman, Joël avec qui nous avons eu l'entretien juste avant la pièce, évidemment. Album qui avait été produit par Pierre Rémillard. Et de dire Joël, anthropophage, cannibale affamé, on détruit nos semblables, on mange leur liberté. Voilà. Oui, on s'en va en pause, hein? D'accord. Après cette pause, je vous reviens avec le spécial consacré à Barf. Qu'est-elle présente pour la première fois, spécialement pour les amateurs de collection, la grande vedette québécoise Chantal Paris, l'album de ma vie. Ma vie c'est toi. Ses 20 plus grands succès. Vivre sans défaut, avoir aimé. 20 merveilleux souvenirs. On t'appellera Emmanuella. Son plus récent succès. La très belle chanson. On a besoin de soleil comme d'amour et de sans soir. Oublier la mélodie d'amour. Chantal Paris, l'album de ma vie. Je vous fais cadeau des 20 plus grands succès de ma carrière et des 24 photos qui m'appellent les plus beaux souvenirs. Vous composez 5, 6, 3, 10, 4 ou écrivez à Chantal Paris, casse postale 6000 Holland, incluant $6.99 pour le micro-sillon ou $6.99 pour la cartouche 8 pistes. Merci Bob ou Bill, whatever. Voilà, nous en sommes rendus à ce spécial Barf, consacré à la formation Barf, qui fêtait ses 30 ans d'existence le 29 octobre dernier, comme plusieurs d'entre vous le savent. Peut-être êtes-vous allé à ce rendez-vous au Club Soda, qui les soirées qui les honorait, et où, là où ils ont été consacrés à ce panthéon du rock'n'roll québécois aux côtés de Voivod et autres choses. On va entendre des membres justement de la formation Barf témoigner de cette soirée-là au cours de la prochaine heure, je dirais, ou 45 minutes. Non, peut-être 40-45 minutes. Avant d'y aller avec plusieurs pièces de plusieurs des albums de Barf, je voulais parler un peu de la formation. Ça a débuté justement à Laval en 86. Ils ont sorti deux démo tapes, soit Social Disorder en 88 et Blasting All Rotten Fuckers en 90. S'en est suivi l'album Tumult, sorti en 92, sur Tir Groupé, un album de 29 pièces qui comprenait à ce moment-là, dans ses rangs, où ont participé le guitariste Denis Lepage, ainsi que Marc Vaillancourt, le vocaliste, Vincent Leplaca, bassiste, et Martin Séguin, à la batterie. S'en est suivi l'année suivante. Chaos, Ignorance, Suicide, qui avait été avec le même line-up, finalement, produit par Pierre Rémillard au studio Victor à Montréal. Alors, c'est pas mal ça qui s'est passé dans les premières années de Barf, un groupe fortement inspiré à leur début de Damnation, un groupe assez percutant, marquant, si on veut, sur la scène, ce groupe de la Rive-Sud. Bref, avant d'y aller avec deux pièces de Barf, on va entendre Hostie de Sale, une version live assez récente au Café Campus, ainsi que Je suis le fou, version originale de l'album Tumult 1992, qui a été réédité en vinyle en passant et sans doute encore disponible au kiosque, en tout cas, probablement via Tir Groupé évidemment le kiosque du band qui sont encore en tournée. Je pense qu'ils sont ce soir à Drummondville, toujours pour la tournée 30e anniversaire. Mais avant d'y aller avec ça, on va entendre les commentaires de nos amis Dominique Forest-Lapointe et Carlos Araya, respectivement bassiste et batteur du band. Des impressions de leur soirée de cette fameuse soirée du 29 octobre au Club Soda. Alors, on en a profité en étant sur le terrain à Saint-Eustache pour ce spectacle du 4 novembre au soir. Alors voici ces propos de Dominique Forest-Lapointe et Carlos Araya. On est avec Forest au Patriote à Saint-Eustache avant le concert de Démence et de Barf. Salut. Hey, salut, ton heureux, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je voulais, bien évidemment, tu as fait mention hors onde, hors micro, que cette soirée-là du 29 octobre, ça a été un beau party. C'est comme ça que tu as résumé ça? Ben, qu'est-ce que je retiens de cette soirée-là, c'est qu'il y avait beaucoup de générations de punk et de métalleux là, qui étaient là. Beaucoup de réunions de vieux pépères, autant que des jeunes qui reviennent dans la scène locale, parce que la scène locale, il faut travailler tout le temps fort pour la tenir en forme. Puis je pense que c'est un bon résultat. Il ouais. y a de l'espoir pour que justement on s'aide dans. C'est ça, que ça remonte un peu, tu sais, que, mm-hmm. puis qu'on s'est quand même fiers de notre scène, puis qu'on s'identifie à cette scène-là aussi. Ouais. C'est important. Fait que finalement, ça a été pas mal festif ce soir-là. Je pense qu'il y a eu une grosse manifestation. Il y avait beaucoup de monde sur scène à un moment donné. Ouais, ben c'était moins pire qu'au Francofolie, qu'il y avait eu une émeute de je sais pas quel style de musique, un kilomètre plus loin. Ouais, c'est ça. Mais non, il n'y a pas eu d'émeute cette fois-là. Ouais. Parce que ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. C'était quand c'est des punks, des métalleux réunis, il n'y a pas de grabuge, tout va bien. Mais c'était super cool parce que c'était le party, la loge était pleine de monde. Ouais. J'étais avec Mike Ward avec nous autres dans la loge. Ah, oui, fait que ça n'a pas arrêté de déconner. T'sais. C'était vraiment un bon Jack, le gars. C'est comme si c'était un de nos vieux chums. Ouais. Il est vraiment sympathique. Ouais, c'est vrai, ils vous ont invité à son émission une couple de fois. C'est ça. Ouais. On commence à le connaître. Puis on faisait c'est non-stop. Là. C'est un des plus grands improvisateurs du mot qu'il n'y a pas. Fait ouais. que, ça, quand il est dans un party, ça n'arrête pas. Ah, ouais, ça a cliqué en nous autres, vraiment. Oui, vraiment. C'est cool. Là, non, c'était carré. C'est une belle expérience. Puis ça réunit tout beaucoup de pionniers de la scène aussi en même temps. Tu sais, puis, ah oui. Ouais, tout dans. C'est ça, c'était un beau party. On a fait des tunes ensemble. Mon coup de cœur, c'était la tune de DRI avec Vincent Peake. Ouais. Que, il avait son vocal, il ressemblait vraiment, vraiment. Oui, c'est vrai, il y avait le timbre de. Oui, absolument. C'était mon coup de cœur, tu sais. Ah, ouais. Puis, non, c'était une belle soirée qu'on a faite aussi Raining Blood, puis Post-Mortem avec trois guides, deux basses. Ouais. Avec le mur dans le pied, avec Anonymous, tu sais, c'était du Slayer dans ta face en esthétique. Ah, oui. C'était cool. Fait que, comment t'as salut Carlos. Salut. Comment t'as vécu ta soirée des tentants de barf, l'intronisation et tout ça? Écoute, pour moi, là, je suis rarement nerveux pour les shows. Puis ce show-là, je pense que c'est ça a été un des shows que j'étais le plus nerveux, je te dirais, dans les 10-15 dernières années. Ah oui. C'est vraiment, c'est bizarre, là, mais tu sais, la veille, j'avais mal au ventre. Puis ça m'arrive jamais, ça, tu sais. Des fois, on stresse parce que, tu sais, OK, on sait pas s'il va y avoir plein de monde ou des trucs de même. Mais là, le fait que le show était sold out quelques jours avant, tu sais, c'est un autre genre de stress. Ça a rajouté une petite pression. En fait, c'est que tu dis, OK, ben là, j'ai pas le choix d'être au top. Pas juste au top avec Marv, mais aussi avec Anonymous, tu sais. J'avais deux performances à faire, donc j'avais pas le choix d'être comme au max. Ça me rendait un peu nerveux, tu sais. Le côté physique et tout, parce que on avait une grosse journée là, le samedi, avec il y avait l'intronisation. En fait, dès que je suis arrivé sur place, dès que j'ai commencé à faire mes soundchecks, je suis tombé un peu dans mon élément finalement. T'sais. Fait qu'un coup que j'ai commencé ma journée, c'est des bruits habituels de bord. Un coup que j'ai embarqué dans le mode, OK, go soundcheck. Oui. On dirait que ça a comme ok, ça a bien coulé, tu sais. Ouais. Mais ça a été une journée, écoute, super occupée. C'était vraiment. Salut. Amateur, salut Steven. Salut. Salut. Steven s'en retourne à la maison. Si t'es arrivé ou si t'es parti? Moi, je fais un coït. Fait qu'en fond, un couple amateur est parti. Ouais, c'est ça. Ça, comme, ça m'a comme relâché, mais quand même, tu sais, j'avais quand même une certaine pression. On s'entend là, tu sais. Puis écoute, ça m'arrive vraiment de pogner des crampes aux doigts. Là. J'ai pogné des crampes aux doigts rendu aux deux tiers du show de barf. Oh, j'avais les doigts qui bloquaient. Si, Mais bon. Ça veut dire que rendu à Ring and Blood, ça commence à faire mal? J'allais très mal. En fait, Ring and Blood n'est pas si pire. Je te dirais que la plus top, c'était Post-Mortem. Post-Mortem Ring and Blood. Oui. Post-Mortem est pas mal plus top. Avec l'espèce de... La petite ride qui n'arrête pas. Elle est pas mal plus si bon, là, le bras, là, ouais. Ah oui, sans doute. Mais écoute, je suis content là, de cette espèce de soirée-là. Ah oui, c'est bien. Les beaux cheveux, tu sais. Ah, tu es en train de me croiser? Ben oui, merci. On a deux méchants rayons de soleil dans l'équipe, là. Les genres de gars qui t'en montrent à toute heure du jour. Ça sourit tout le temps. C'est toujours prêt à débarquer le stock en étant content de le faire. Tu le payes et dis non, non, Marc, t'as pas d'argent. Je parle bien entendu de Monk et de Chassé. Écoute, si on parle d'un rayon de soleil de haut niveau, là. Merci les gars, ça a été une belle tournée. La prochaine chanson, je vous la dédie, pas parce que vous êtes le fun, parce que vous sentez le calice. Last in its game. d'entendre trois pièces de Barf. Celle-ci était For Chaos and I de leur album de 1993, leur deuxième, Chaos Ignorance Suicide. C'est précédé de Astitsal de l'album Tumult, leur premier, mais celle-ci est une version live enregistrée au Café Campus en décembre 2015 à Montréal. Et en début de bloc, Je suis le fou, version originale de 1992 de leur tout premier album Tumult. On va poursuivre avec d'autres témoignages des membres du groupe Barf. On va entendre dans l'ordre Dominique Forest-Lapointe, Denis Lepage et Carlos Araya, respectivement bassiste, guitariste et bassiste, nous parler de leurs souvenirs favoris, voire particuliers ou marquants relativement à leur implication dans leur évolution et leur carrière avec Barf. Moi, je t'ai vu la première fois avec Barf, c'était à tournée Polywog 99 à Rouyn. Je te connaissais pas avant ça, puisque tout arrivait de la Côte-Nord avec Satanais et tout ça. Si je te demandais ton souvenir favori avec Barf, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Ouais. C'était le Polywog à Port-Cartier en 98. Ah oui? Parce qu'il y avait un convoi, tu sais, d'Econoline, puis tout ça qui suivait, puis il y avait deux vannes, dont une, c'était un stage line, puis l'autre, c'était une vanne de high dry. Okay, on avait une vanne de bière sur le tour qui nous suivait. Mm-hmm. C'était commandité, puis tout, par Molson. Puis tout le monde se saoulait à la face à high dry, puis Chris, qui était dégueulasse, ta bière-là. Puis dans des verres de plastique au soleil, ça saoule. Là. Ah. Si tu commences à boire à midi, t'es sous à 3h d'après-midi. Ouais. Fait que là... Puis sous tout croche, là, parce que c'est vraiment pas de la bonne bière. Denis, on a fait le petit poisson. En plein dans le petit poisson, il y a eu un blackout. Ah ouais. Quand lui fait le bac, le petit poisson, il est. Puis lui fait le bac mort. Ah ouais. Mais quand il a starté ce bac-là, il est tombé sur le dos, mon blackout total. Okay. Ça a comme fait. Là, ça a fait comme vraiment. C'était le chaos un peu, tout le monde riait en même temps qu'il n'était pas sûr s'il était encore vivant. Tu sais. Ouais. Puis là, je me rappelle qu'il y en a un qui a passé un ampli. Parce qu'il a revolé dans l'ampli de guide, puis la tête d'ampli il est tombé sur le ventre. Du coup, on s'est demandé comment c'est arrivé. Tu tombes sur l'ampli, mais tu te remontes, fait que la tête a roulé sur sa tête, je sais pas trop. Mais okay. Il était couché avec sur l'ampli avec la tête d'ampli sur le ventre. Puis ça guide. Puis ça a fait un esti de bang. Ok, ça doit avoir fait un méchant vacarme. Ouais, c'était un méchant vacarme. Okay. Puis il s'est réveillé. Puis je me rappellerai, on s'en rappelle depuis longtemps de cette phrase-là. Il s'est réveillé, il dit « Je suis peut-être sous, mais je suis un artiste. » Puis on a continué à jouer. Depuis ce temps-là, ça, on a ri de cette passe. Ah oui, ça va être assez mémorable, justement. Un autre passe, c'est qu'un show, on avait 2-3 ans, on en revenait de Rouyn-Noranda, puis les gars, moi je bois pas, mais les gars, c'est moi qui chauffe la vanne. Parce que, c'était, au moins, je sers à ça après les shows. Puis là... Là, c'est ça, les gars, ils s'avaient saoulé à la face avec des shooters puis toute la veille. Puis ben, d'Heineken. Puis le lendemain, on parlait des anecdotes qu'a mené Croteau, de Necrotic Mutation, il avait vomi, tu sais. Puis en plein live, là. Puis durant qu'on comptait l'anecdote, le technicien de son, il a vomi dans la vanne parce qu'on parlait de vomi, tu sais. Ah, ouais. Puis il a vomi sur chassé. Oh, okay. OK, ouais. Fait que c'est ça, tu sais... C'était assez... Il va être content, M. Chassé. Oh, oui, non, c'est ça. Puis on a fait... c'est ça, Marc a fait une toune là-dessus, ce dernier album. C'est ça. Histoire de puke. Ah, OK. Là, je m'en souviens. Oui, c'est ça. Histoire de puke. Ouais. C'est en plein, ça. Ouais. Forest, merci. Puis bon spectacle tantôt. Yes, merci Tower. C'est tout le temps le fun de voir dans les shows, puis tout, puis ça... C'est cool, on a une belle scène. On travaille là-dessus tout le temps, puis on encourage les autres bandes aussi, puis la relève. Mm-hmm. Puis on espère que ça va continuer longtemps, là, le métal, puis la musique underground au Québec. Mm-hmm. C'est drôle parce qu'on est ici à Saint-Eustache. Je me souviens, probablement quelque chose comme en 88. Où, Marc, ça faisait pas longtemps que je chantais avec les autres. On a joué dans un party dans la cave chez Dean, en bas de la rue. Ah oui. Ça fait 29 ans de ça. En le temps, c'était drummer d'Undead parce que mon drummer n'était pas disponible. Il avait remplacé pour jouer avec les autres. Ouais. On jouait des covers dans ce temps-là. Ça fait 29 ans de ça. Mm-hmm. Ça me rappelle ça, venir ça, ton soir. C'est comme. Ouais. Ouais, des souvenirs d'enfance. Mm-hmm. Pratiquement. un moment particulier des 30 ans qui vient à l'esprit. Je vais te dire que la première fois, t'sais, probablement un des moments les plus marquants, c'est quand on a enregistré notre premier album. À l'époque, c'était un gros deal. Enregistrer un album, personne n'avait de disque. Il n'y avait pas de compagnie de disques, il y avait peu de possibilités d'être distribué. Fait que je me souviens, en 91, à l'époque, c'était comme « Wow, on va faire un disque ». C'était une grosse affaire. Ouais, surtout votre style musical, c'était vraiment un style... Ah, il n'y avait pas, tu sais. Puis en plus, c'était en français. C'était encore plus hors du commun, si tu veux, à l'époque. Mais ça, je pense que ça a été un moment tournant. T'sais. Ça faisait 5 ans que le band existait déjà, tu sais. 4-5 ans, fait que... T'sais, s'il n'y avait pas eu cette push-là, je sais pas ce qui serait arrivé, mais vu qu'il y a eu quand même un album, ça a donné, t'sais, après ça, on a fait des disques, t'sais, 91, 93, 95, t'sais, après ça, on a arrêté en 99. T'sais. Je te dirais qu'après ça, là, un des grands moments, ça a été Noël dans la rue quand on a fait notre dernier show en 99. T'sais, c'était un classique, mais t'sais, depuis ce temps-là, il y a plein de... T'sais, quand on est revenu, la scène avait changé, il y avait des festivals, il y avait des gros shows. C'était des choses qui n'existaient pas à part le Polywog, si tu veux. T'sais, le Polywog, ça, c'est d'autres 3-4 tournées d'aventure. T'sais. Mais là, aujourd'hui, t'sais, avec les Rockfest, puis les V Montréal, puis les Trois-Rivières Metal Fest, puis t'sais, à cette heure, t'as plus de gros événements métal au Québec. Fait, c'est sûr que c'est plus intéressant pour les bands. T'sais. Nous autres, on défrichait. On a fait notre part de défrichage. Je peux dire que, dans le sens, tout a commencé avec la première fois que Marc m'a appelé pour en 2004. Quand il m'a dit hey, on fait le retour de Barf, mon drummer Peter Jackson attend, il veut pas le faire. On a pensé à toi. Il me dit j'aimerais ça que ce soit toi qui vienne jouer les tunes de Barf. Je fais comme. Tu sais, déjà que j'étais. Tu sais, déjà que c'était, c'était des gars que je connaissais parce qu'on faisait des tournées ensemble, mais j'étais aussi un fan de Barf, tu sais. Pour moi, l'album Surprise, j'ai capoté là-dessus, J'étais assis justement avec Oscar à m'amener quand il était sorti. En fait, il n'était même pas sorti encore l'album. Non. On l'avait eu comme, par la bande. Ah, oui. On était avec les amis d'Overbass à la maison de Chantal. Oui. Joël, dans le temps, tu sais. Puis là, on était assis, on a trouvé un assez gros bat, puis on venait écouter l'album de Barf, le nouvel album qui venait de sortir. Moi, puis Oscar, on a eu la gueule ouverte. Là. Ah, oui. On était comme, man, ça n'a aucun assez bon sens. Là, ça a vraiment monté d'un cran. Ben oui! Même deux. Écoute, c'est ça. Quand on a composé l'album Stress là, avec Anonymous, là, on avait ça en arrière de la tête, l'album Surprise. Ouais, ouais. C'est qu'il était là comme. Tu sais, l'espèce de hagne, tu sais, clac, ça va quand même tapé un peu là, dans notre... Comment ça vous a donné un bon coup de pied au cul? Ben oui, exactement, tu sais, ça fait comme... Man. C'était une petite gauche, là, tu sais. Écoute, là, quand on s'est dit aussi, après le retour de 2012, bon, on a fait la tournée de retour, tout ça, puis quand on a décidé de faire un album de bar, tu sais... Là, j'ai fait « OK, cool ». Là, j'ai été capable de... Tu sais, j'ai quand même composé... j'ai composé des riffs pour l'album. J'ai composé des textes pour l'album. Pour moi, tu sais, c'est un honneur d'avoir mis mon grain de sel. Sa griffe. En entrevue. Ah, oh, il n'y a pas de problème. Je le dérange. C'est le prochain. En tout cas, tu sais, pour moi, d'avoir été capable de mettre mon grain de sel sur le nouveau bar, tu sais, puis la mission aussi, c'est de faire un espèce de mélange de tout ce qui était de sponsor de bar, tu sais, autant metal, autant hardcore, punk, tu sais. En tout cas, tu sais. T'avais déjà compris le message musical depuis longtemps. Exactement, tu sais. Fait que là, j'étais comme, c'est parfait. Sinon, ben, c'est tous les parties. les parties, les. Tu sais, c'est des chums, là. Belle aventure, finalement. Ah oui, tu sais. En fait, c'est drôle parce que c'est un peu pour. Il y a eu notre case bleu. Il y a eu notre case bleu! Excusez d'avoir. D'avoir tout coupé l'affaire, là. Mais c'est chassé. T'es familier avec ce micro-là, anyway. Mais quoi? Tu l'as déjà vu, ce micro-là, là. Hey, il aime ça, c'est le rentrer. Fais-moi une phrase de cuillère. On l'a dit-tu? Ah ben oui! Hey, il s'est mis dans le cul. Il a un doigt dans le cul hier! Je t'ai mis le doigt dans le cul hier! Dans le cul hier! Pour quel motif? Ah ouais, donc avec Grand B. Ouais, donc avec Grand B, un go aussi. Ouais, hey! Ça, mon oncle Serge. Va demander au sacre bon ce que je crie ça dans cette foule! Entendre ces deux pièces tirées de cette bombe de 1995, une bombe qui nous avait explosé en pleine face avec un titre très approprié, Surprise, qui était leur troisième album à ce moment-là. On a entendu Faux Pas et Éternel Pessimiste. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs pièces sur cet album-là que j'aurais pu choisir également. Album qui quand même marquant dans l'histoire du métal au Québec, je pense, parce que c'était un point tournant pour le band. C'est un album que ceux qui n'avaient pas accroché ou compris la cette affaire-là au début, là, je pense qu'il fallait commencer à les prendre au sérieux. Décidément, l'album Surprise qui a créé des remous dans la scène. Cet album-là avait été enregistré au studio Plante Verte et comprenait à ce moment-là Marc Vaillancourt toujours et Denis Lepage dans ses rangs, de même que Peter Jackson à la batterie. Et je pense bien que c'est Denis Lepage qui avait enregistré lui-même les partitions de basse. Je sais pertinemment qu'ils avaient fait des auditions pour des bassistes. C'était peut-être plus pour Catharsis, en fait, qu'ils avaient fait des auditions. Je me rappelle que notre ami Martin Ouellette, qui a adhéré plus tard à la formation The Affected, originaire de l'Abitibi, avait déjà été pressenti pour, justement, durant ses auditions pour l'album Catharsis. Je pense pas me tromper d'album, là. Ça avait été enregistré, ça, avec la collaboration de Thierry Lacombe et de Marc-André Thibert en studio. Toujours dans ce spécial consacré aux 30 ans de Barf, vous écoutez toujours Subversion sur Underground Québec Radio. Et ça va être le moment de passer à cette entrevue avec Vincent Peake de Groovy Aardvark et de autre chose aussi, qui va nous partager, lui, ses impressions de cette soirée du 29 octobre dernier au Club Soda. Et aussi ses premières observations de cette formation notoire de la scène québécoise Barf. Alors voici Vincent Peake. C'est ça, je voulais savoir tes impressions de ta soirée avec Barf, parce que ressemble-t-il cette soirée du 29 octobre au Club Soda, parce que semble-t-il tu étais le DJ attitré hein, de cette soirée-là. Oui, j'ai été invité à être le DJ attitré tout au long de cette soirée-là, particulièrement peut-être une heure et demie avant le début des performances qui commençait à 4:33, ouais. Et quelques minutes entre les entractes, je partageais cette tâche avec Mike Ward qui faisait des sketch sur scène pendant les changeovers. C'est ça. Finalement, Barf était bien entouré. Il y avait leur présentateur Mike Ward, il y avait leur DJ attitré, puis il y avait même un récipiendaire de la disque à la technique sur scène. En plein ça, exactement. Il faut retenir aussi qu'en début de soirée, Pat Caron leur a intronisé une plaque pour les introniser au Panthéon du rock'n'roll québécois. Oui, oui. Tout à leur honneur. 20 ans de bûchage et d'intégrité musicale n'en valent pas moins. J'ai un peu trouvé ça dommage. Le seul bémol de la soirée, c'est que j'aurais aimé ça qu'ils présentent devant un Club Soda plein. Alors qu'à l'heure à laquelle ça a été présenté, les gens faisaient juste commencer à rentrer. On était peut-être tous une quarantaine à vivre le moment, tu sais. Ouais. Mais bon. On a eu la chance de prendre des photos avec la plaque backstage. Puis je suis vraiment fier d'eux. C'est un band qui le mérite amplement. Puis après ça, ça part. C'est mon gars à Arsenic 33, dans le tapis, comme d'habitude. Une demi-heure bien remplie. Après ça, Overbass, c'est peut-être la meilleure show que j'ai vue de ce band-là, ouais, ever. C'est vrai, ouais. Le monde était en feu pour les quatre bandes, premièrement. Ouais, tout le monde chantait, dansait, ça trashait les bras dans les airs, en haut, en bas. Il y avait une énergie démoniaque ce soir-là. Je sais pas si c'était l'Halloween qui était en cause ou certainement juste la qualité des bandes, mais ça a galvanisé tout le monde. Les performances d'Arsenic, d'Overbass, Anonymous et Barf étaient stellaires. Dans les meilleures performances que j'ai vues de toute leur carrière. Puis le monde en redemandait. C'était l'énergie, le niveau d'énergie a jamais baissé d'une coche pendant les heures que ça a duré. Puis on est tous été comme emportés par cette vague d'amour et de métal-là. Tu sais, des fois quand tu dis qu'il se passe de quoi, là, ouais. Ce soir-là, ça s'est passé. C'est la communion entre le band, la musique, puis le monde, puis le retour des choses, c'était parfait. Toi, personnellement, si on se reporte à l'époque, là, parce que je pense que vous avez pas mal jammé dans les mêmes raccoins là, dans le temps, c'est quoi ton souvenir favori par rapport à Barf qui te vient à l'esprit? Je pourrais te compter la première fois que je les ai vus. Oui. C'était à la Maison des jeunes de Laval, sur la rue Lévesque, voir Lévesque à Laval, au printemps 87. Groovy Aardvark avait été invité à faire un show par un gars qui s'appelait Alain Bergeron, qui s'occupait de la Maison des jeunes de Laval. Alain, c'est un ancien gars de la rue qui s'était recyclé, qui était devenu moniteur ou si tu veux, c'était un gars qui s'occupait des jeunes dans la rue, puis lui, il savait que le grind puis le hardcore, c'est ça qui plaisait aux jeunes à ce moment-là, fait qu'il avait invité des bandes du genre, tu sais, puis c'était comme assez audacieux de sa part, parce que ça n'existait pas tant que ça, tu sais. Oui. Alors, il avait invité Groovy, puis Barf, parce que c'était il venait de là. Puis je me rappelle d'avoir assisté à une scène digne d'un film de Cheech and Chong où j'étais dehors, puis une vanne, puis la porte de la vanne, elle ouvre, puis un nuage de boucan qui sort, puis comme 12 gars qui sortent de la vanne, tout habillé en crusty punk, comme Damnation. À l'époque, c'est moi, le seul band levé que je connaissais de moi, c'était Damnation. Ah, oui. C'est le code gris avec le code jeans par-dessus, puis les millions de patchs, puis les... Là, tu sais, en tout cas, c'était comme aïe aïe, tu sais, c'était Zombie Wolf leur affaire, puis c'était Barf et leur entourage, tu sais. Ah, oui. Ça a été, tu sais, nous autres, on se pensait peut-être un peu élevé à Longueuil, mais eux autres, ils étaient crissement plus spécifiques que nous autres. Ah, oui. Quand ils se sont mis à jouer, ben, ça fitait parfaitement bien avec l'image que je m'étais faite d'eux autres. C'était lousse, disons. T'sais, c'était cacophonique. Ouais. C'était pas la machine bien huilée et tête qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir que les gars, ils jouaient pas. Ils commençaient, tu sais. C'était pas les mêmes musiciens non plus au Rhythm Section, là. Alors, c'était vraiment, vraiment lousse. Mais j'étais pris de comment dire. J'ai tout de suite été attiré par la personnalité et la charme de Marc et puis Denis. Ouais. Ils étaient déjà des gars drôles aussi, puis tu sais, il n'y avait pas de compétition, même si la musique ne fitait pas, puis même si on venait de l'autre bout, on venait de Longueuil, tu sais, de la Rive-Sud. Il s'est passé de quoi, puis on a vu qu'on pouvait comme faire des shows ensemble, même si le style le commandait moins, puis notre amitié a commencé là aussi. Ouais. Fait que je te dirais que la première impression que j'ai eue de Barf, ça a fait assez fort. Ouais, c'est assez... Oui, ben écoute, Vincent, je te remercie pour ces souvenirs, ces images figées dans le temps, ces images boucaneuses même. Oui, oui, on peut dire ça de même. Salut, mon tower, c'est toujours un plaisir de jaser. Ah ben Colin, moi de même, il va falloir reprendre ça à un moment donné dans un autre contexte. Hein? Ben écoute, avec grand plaisir. All right. OK, à la prochaine, Vincent. Okay. Salut. Okay, bien. Bon. Pour moi, tous mes états d'esprit, et tu as la quête du devoir, la quête du marabout. vient d'entendre la chanson « Non » qui figure sur cette pièce « Catharsis » de 1998, leur quatrième album. Une de mes pièces favorites, vraiment, de cet album-là, qui avait été... en tout cas, qui comprenait au niveau du line-up du band, et autant derrière la console, exactement le même personnel que sur l'album précédent, « Surprise ». Cette chanson était précédée, évidemment, des impressions et souvenirs de notre ami Vincent Pic de Groovy Aardvark et de autre chose qui a eu la gentillesse encore une fois de collaborer afin de nous soutenir dans tout cet éventail et cet hommage pour le groupe Barf dans le cadre de leur 30e anniversaire. Avant de passer à l'entrevue avec Marc Vaillancourt, le vocaliste frontman, j'aimerais lire un extrait de qu'est-ce qu'il a déclaré, de qu'est-ce que Marc a déclaré lui-même sur les médias sociaux à l'aube de cette tournée 30e anniversaire. Et je cite, « C'est ce soir que débute la tournée du 30e de Barf. Non seulement on célèbre 30 ans de musique, mais surtout 30 ans d'amitié, d'anecdotes, de rides, de trucks interminables, de rencontres avec les fans que je considère tous comme mes chums. On va jouer énormément de chansons de l'album Tumulte, donc pour les vieux de la vieille, pour les jeunes attachés, attachez vos tucs. Avec de la broche, ça va brasser en Chris. Cheers. » Alors voici cette entrevue avec un des grands frontmen du Québec. Bon, nous sommes toujours au Patriote, à Saint-Eustache. Salut, bonsoir, ça va? Oui, ça va, toi. Merci. Oui. Il faut dire qu'après cette défaite cuisante du Canadien, le band s'est dépêché d'embarquer sur scène pour... Faire passer le moton. Oui, c'est ça. Ouais, ça n'a pas de sens. Quel cauchemar. on l'a pas suivi bien, mais on a eu les échos de la... On va appeler ça la mornif, ouais, ou la bonne volée, je sais pas trop. Allez, ouais, on s'en calisse un peu. Ouais. Premièrement, je veux que tu me racontes un peu tes impressions, tes souvenirs de cette soirée-là au Club Soda, qui était sûrement très spéciale pour vous autres, le 29 octobre dernier. Ça a été une grosse soirée de cette année, franchement. Ça a été au-delà de nos espérances. On se souhaitait une soirée comme ça, puis ça a été vraiment une soirée de fou. Au-delà de toutes nos attentes. C'était vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de trip, beaucoup de monde... beaucoup de bière. Belle soirée. Bien, l'intronisation, comment tu perçois ça, quand même, aux côtés de Voivode puis autre chose, c'est ce qui n'est pas rien? Je sais pas trop comment prendre ça encore, l'intronisation, mais écoute, c'est rien que du positif, c'est rien que le fun, tu sais. Je le réalise pas trop encore. Je regarde la plaque à la maison, puis je trouve ça bien cool. Je trouve ça le fun qu'il y ait du monde qui ait pris la peine de créer un temple de la renommée québécoise, puis tout ça. Puis on le prend positivement. On a eu des moins bonnes journées que ça cette année. C'était super cool. C'était super cool. La reconnaissance, dans notre monde musical, on en prend parce que c'est pas souvent qu'on passe. Exactement. Ta sœur Martine a fait mention sur les médias sociaux, si je ne me trompe pas, elle me faisait mention de 30 ans de brutalité, 30 ans de contestation, tout ça. Et parlait de la route aussi, justement, concernant la route et les tournées. C'est ça qu'il y a des bandes au bout de 20-25 ans, ils font comme, bon, ils arrivent le week-end, puis non, pas encore la 20, pas encore la 40, whatever. Vous autres, qu'est-ce qui explique la persistance que vous avez, qui fait que vous êtes encore là? Parce qu'au bout de la 20 au bout de la 40, il y a le petit party qui s'en vient, tu sais. Mais oui, c'est tough faire de la route, mais écoute, moi, je suis pas encore tanné de voir mes chums, puis quand on part, tu sais, moi, j'appelle tout le temps ça un trip de chasse, pas de gun, tu sais. On se retrouve 6 gars dans la van, puis let's go, tu sais, on y va. On va être scrap lundi, mais on y va. Quand je serai plus capable, on arrêtera. C'est ça que t'as fait mention, d'ailleurs. Demain, vous êtes à Waterloo, puis t'as fait mention, justement, lundi. C'est un lundi scrap assuré. Absolument. Ah, lundi, ça va être la crise de marde à la job, ouais. C'est ça. Concernant Denis, t'as fait mention aussi que ça faisait, je pense en date du 29 avril, je suis pas certain de la date, que vous êtes, ça faisait 30 ans que vous vous étiez rencontrés. On s'est rencontrés le 29 octobre 1986. Okay. Donc la fin de semaine dernière au Club Soda, c'était vraiment le 30e jour pour jour du premier jam de Barf. Okay. comment vous êtes rencontrés, vous deux, en fait? Ben, j'avais été invité dans un party à La Chute. Puis j'avais chanté dans un autre band avant. Puis quand je suis arrivé là, le band jammait, mais il n'y avait pas de chanteur. Puis ils m'ont demandé si ça me tentait de faire une coupe de tune. On jouait du SOD, du D-Alright, du Stair. Puis après, je sais pas, 5-6 tunes. Après ça, on a continué à boire de la bière. Puis après ça, ils m'ont lâché un coup de téléphone. Puis ça me tentait d'essayer avec eux autres. Chris, 30 ans plus tard, on est encore là. Ben oui. Jamais t'aurais cru ça. Non, ben non. Non. En fait, jamais j'aurais cru ça, mais j'ai toujours cru beaucoup. Mais tu sais, j'aurais pas passé 30 ans. C'est sûr que quand t'as 18 ans, tu te projettes pas à 48 ans. Là. Non, non. Mais moi, la musique, j'ai toujours pris ça très, très, très, très au sérieux. J'aurais toujours aimé avoir une carrière. J'aurais aimé ça faire que ça. J'aurais aimé ça gagner ma vie. Ça n'a jamais été le cas. Mais c'était ça le plan. Ça a toujours été ça le plan. Puis, que tu sais, je suis pas surpris que 30 ans plus tard, on le fasse encore. Mais c'est sûr qu'à 18 ans, au party d'Halloween, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ça, c'est sûr. C'est sûr que quand tu parles du sérieux puis de la rigueur, ça paraît sur scène, la performance. Ce que j'entends des comebacks aussi, puis je l'ai vu encore à soir, c'est comme c'était avant. Je veux dire, t'as la forme est encore là, puis ça garoche encore. Peut-être que toi, dans ton corps, ça fait mal. Peut-être que ça fait mal. Mais écoute, on donne tout ce qu'on a. Ben oui, ben oui. On donne tout ce qu'on peut, en fait. Ben oui. Je me rappelle pas de ma dernière question. Pas nécessairement ton souvenir favori avec Barf, mais soit un de tes meilleurs souvenirs avec Barf ou une situation particulière que tu t'es retrouvé, mais tu ne serais jamais retrouvé finalement si tu n'avais pas eu cette bande-là. Je te dirais que quand on est sorti du meeting avec Tir Groupé il y a 25 ans de ça, puis que, tu sais, Tir Groupé nous a approchés, ils sont venus nous voir en spectacle, puis là, ça faisait deux fois qu'on faisait des meetings avec eux autres, puis éventuellement, je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Puis là, Nicolas Bouchard, à l'époque, me dit, qu'on travaille encore avec lui pour les vinyles, il m'a dit, ben, on va faire un album. Là, j'ai comme allumé, là, Chris, vous voulez nous signer, puis vous voulez qu'on rentre en studio, puis on fait un CD, tu sais. Ça a été vraiment un moment marquant dans ma vie. Là. 5 ans plus tard, on était pour faire un album. Ça, c'est vraiment un beau moment. Le lancement de cet album-là. Puis écoute, il y en a eu plein. Les Francopholies de Montréal, notre premier Spectrum sold out, le Metropolis sold out, en tête d'affiche. C'est des gros highlights de carrière québécoise. Fuck, au Metropolis, c'est plein à craquer, puis t'es en tête d'affiche. Chris, la seule chose qui était dommage là-dedans, c'est qu'on n'en faisait pas toutes les soirs. Ah oui. Mais moi, ça, 5 soirs par semaine, ouais. Pendant 6 mois, puis on arrêtait en business. Ouais. Après, c'est une belle collection de souvenirs figés dans le temps, avec une belle aventure. Puis ça se poursuit encore. Ben oui, on est là-dessus encore. 6 mois, 30 ans plus tard. Bon, ben, Marc Vaillancourt, merci. Ça fait plaisir. C'est ça, hein? Mr. Boss, I am so delighted to see you again. I want you to get it. Je me fais agresser sexuellement dans ma mère. La culture du viol, si what the fuck, est-ce que je vais changer de bord, il y a des gars de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je dis? Ça va s'appeler Sangouille, ça, bientôt. une chanson de catharsis qui s'appelle « Sans terre ». Samedi le 1er novembre, le spectacle bénéfice Requiem pour un beau death. Hidden Pride, Immense, Anorexis, Elements, Necrotic Mutation et d'autres invités surprises s'unissent contre le suicide pour un show qu'on n'est pas prêt d'oublier. Samedi le 1er novembre à la salle Salaberry. Qui en vente chez Rock en Stock, L'Oblique, Underworld et au Café K.O. Information 256-0887. Une collaboration de Boire et CIBL. Oh. dojo, je te laisse entrer. T'as reconnu, tu es ma femme. Dans le dojo. Vous êtes toujours sur le spécial Barf. Hein? On vient d'entendre Triple 6 de cet album Brûle, Consume, Torture, paru en mai 2014 sur Indica. Ça avait été produit avec Jeff Fortin, cet album-là. C'était précédé de Santerre, version live au Club Soda le 29 octobre. Performance captée par certaines personnes dans la salle. Dans cette soirée qui leur rendait hommage, évidemment, pour leur 30e anniversaire. Et évidemment, on a eu cette entrevue, cet entretien avec Marc Vaillancourt après le spectacle au bar Le Patriote de Saint-Eustache le 4 novembre, au soir dernier. J'hésite toujours, je suis tout le temps en train de dire le SCAT. Ouais, et ça m'a donné un autre angle de vue sur le band. J'étais habitué de les voir sur des scènes plus grandes et cette fois-là, dans un endroit plus restreint. Je peux vous dire que ben, j'ai fortement apprécié non seulement la performance, la précision du band derrière Marc, mais Marc Vaillancourt lui-même, un grand frontman vraiment, qui rivalise avec tous les meilleurs frontmen du métal qu'on a pu voir passer depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui. Il le fait d'une façon très intense et c'est vraiment quelque chose à voir. Bref, on est chanceux d'avoir des groupes comme ça ici au Québec. Et un de ceux-là est évidemment Blasting All Rotten Fuckers. Ça complète pratiquement notre spécial consacré à Barf, du moins au niveau des entrevues et de la musique de Barf. On voyait avec trois autres bandes qui ont fait partie plus ou moins de l'entourage du groupe. On va entendre Damnation, Overbase, mais d'abord Anonymous, qui leurs amis qui étaient présents justement à ce concert du 29 octobre au Club Soda, de même que Overbase. Donc, on y va tout de suite avec This Life, Anonymous, à Subversion sur Underground Québec Radio. This murder, I don't get one life, the gates of this. left alone. My mind was blank. C'est quoi, sérieusement, là, tes funérailles? La toune. Oh, juste mes funérailles. M'en fous, être mince. What did I see? Oh, love me like a reptile, the Motorhead. Cause in my dreams. Ou I fuck like a beast, the Wasp. It's always there. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Damnation, formation mythique de la scène metal et hardcore montréalaise. On a entendu une pièce de leur album Speed Anarchy de 1986. La pièce étant Damnation, tout simplement. Et Damnation qui a eu évidemment une influence primordiale sur les débuts, le lancement de ce groupe Barf. Avant ça, on avait eu Overbase. Des amis de Barf, évidemment, qui étaient présents au Club Soda le 29 octobre dernier. On a entendu Ain't Over de l'album Historias. Et en début de bloc, évidemment, Anonymous avec This Life de l'album Stress, un des très bons albums made in Québec aussi de l'histoire du métal au Québec. Stress de 1997. Ça va être une autre grosse émission de 2 heures cette semaine. Je remercie en passant ceux qui nous ont écoutés, encouragés et qui ont repartagé aussi l'épisode de cet épisode consacré à la mémoire de Martin Pelletier et de la musique de The Affected un peu partout. Si vous voulez réécouter l'épisode, elle est toujours disponible sur SoundCloud. Alors, c'est ça. Gênez-vous pas pour partager page Facebook, SoundCloud et aussi le blog de Subversion sur WordPress qui est accessible via la page Facebook. Je voulais vous parler aussi, il me reste une couple de minutes pour vous parler. Nos amis Alain Lefebvre et le Dr Pendragon de l'émission Rock Classique à Sifu ont ont diffusé aujourd'hui même la 1000e émission de rock classique après 20 ans sur les ondes de la radio de l'UQTR, la radio étudiante universitaire de Trois-Rivières. C'est fou. Et puis, je pense, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas dans mes affaires, je devrais avoir des entretiens. Si c'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre semaine d'après. Logistiquement, on est en train d'organiser ça afin de recueillir des impressions de Alain Lefebvre, le Rockmaster, et du Dr. Pendragon concernant cette belle aventure de rock classique, une des meilleures émissions jamais diffusées au Québec, sans aucun doute. Et puis, 1000 émissions rock classique. Vous pouvez écouter justement des épisodes de Rock Classic via www.rockclassic.net où la balado-diffusion est disponible pour les dernières émissions aussi, ainsi que la 999e, entre autres, qui est consacrée au hard rock et au heavy metal exclusivement. Bref, c'est déjà le temps de nous quitter, alors je vous dis à la semaine prochaine pour plus de musique subversive. Spread the word pour Subversion. Et je vous dis la semaine prochaine.